Chapitre 7e. L'inattendu est là. Puis la vie reprit son cours normal. Simonet rendit compte au ministre des Affaires étrangères de sa mission et lui remit la pièce confidentielle que le ministre du Foreign Office lui avait remise en retour. C'était un grand succès pour la diplomatie française et M. Desboisbilly pouvait à juste titre s'enorgueillir de la façon dont il avait conduit cette affaire délicate. Il fit appeler Paulin Broquet, le remercia du dévouement qu'il avait apporté dans toute cette aventure et le félicita de son ingéniosité. Paulin Broquet, très touché par ces marques de sympathie, dit au ministre « Nous ne sommes pas au bout de nos efforts et nous ne devons pas d'une seconde cesser d'être sur le qui-vive. Il est certain que les gens qui ont eu l'audace de tenter un pareil coup de main ne voudront pas tenir pour acquis l'échec qu'ils viennent de subir. Ils chercheront fatalement à prendre leur revanche dans le plus bref délai possible. C'est aussi mon avis, dit M. Desboisbilly. Vous allez, monsieur le ministre, sous peu recevoir officieusement la réponse aux propositions que M. Simonet est allé porter au cabinet anglais. Cette réponse est en délibération actuellement au Parlement britannique, dans la commission secrète réunie à ce sujet, mais je crois, et j'ai tout lieu de craindre, que malgré le secret observé, ceux qui nous combattent ne parviennent à savoir quelque chose. Il faut prendre les devants. Il est évident que, prévenus comme nous le sommes, de ce côté de la Manche et de l'autre, le courrier du cabinet anglais prendra des précautions suffisantes pour arriver ici à bon port. Il faut donc dès maintenant que les pièces qui vous seront soumises trouvent un abri et une garantie suffisants. Permettez-moi de m'expliquer. Je vous écoute, mon cher Broquet, avec la plus grande attention et suis prêt à faire exactement ce que vous me direz, à suivre la lettre, vos prescriptions. Parlez donc. En règle générale, monsieur le ministre, quand une pièce diplomatique vous arrive, vous la soumettez à l'étude, à votre chef de cabinet, au chef de service qu'elle concerne. C'est cela. Les pièces trouvent ici leur chemise, leur boîte de fer et leur coffre spécial. Très juste. En effet, c'est la règle habituelle et c'est la marche que suivent toutes les affaires, quelles qu'elles soient. Vous ne gardez dans ce coffre, qui a déjà reçu une visite inopportune, que des pièces que vous désirez avoir spécialement et constamment sous la main, comme le traité des Dardanelles. Parfaitement. Eh bien, il est certain que la réponse du Foreign Office concernant ce traité des Dardanelles ira rejoindre dans le dossier spécial que vous lui réserverez le texte dès maintenant arrêté. C'était mon intention, en effet, de le ranger ici. Je me permets, monsieur le ministre, de vous faire une proposition et de vous prier de ne pas me poser pour le moment de plus amples questions. Je vous demande seulement de tenir, pour quelques jours encore, votre promesse première, de vous en rapporter absolument à moi. J'ai besoin de cela pour agir. Je vous renouvelle ma promesse. Vous allez dans cette affaire ordonner ce qu'il vous plaira, ce qui vous semblera nécessaire et tout le monde ici s'inclinera devant votre désir. Je vous remercie, monsieur le ministre, et je poursuis. Avant que la réponse définitive de l'Angleterre, qui vous sera portée ici officieusement, ne parvienne à votre cabinet, je vous demande de prier le ministre anglais d'envoyer ici un courrier du cabinet qui ne sera porteur que de notes absolument indifférentes. Ces notes, vous les recevrez avec le plus grand mystère. Vous aurez soin de les garder ici, de n'en parler qu'à voix basse, de ne les communiquer qu'à M. Simonet, qu'au chef de service qu'elles concernent, en leur recommandant à tous de ne pas en parler à qui que ce soit dans les bureaux. Rien de plus facile. En effet, et c'est là-dessus que je compte, ce mystère entourant l'arrivée d'un courrier de cabinet anglais, dont tout le monde ici connaîtra la venue, ne fera qu'aiguiser le désir de savoir ce que ce courrier de cabinet apporte. Toutes les tentatives seront faites dans ce but. Ceux qui ont déjà voulu connaître le traité des Dardanelles tiendront maintenant plus fortement, n'ayant pu avoir ce traité, à connaître la réponse. Réponse qui leur donnera, pense-t-il, toute satisfaction et leur fournira la plus belle revanche qu'ils pourraient prendre. Je comprends. Dans ce cas, monsieur le ministre, je n'ai plus rien à vous dire. Faites cela et le reste me regarde. Après quelques phrases ordinaires de conversation courante, Paulin Broquet se retira sans dire autre chose au ministre, qui d'ailleurs crut bon de ne pas l'interroger. Il s'en rapportait absolument à l'habileté et à la conscience du détective. Pour lui faciliter la tâche qu'il venait d'assumer à nouveau, il se conforma à son désir et fit avertir ses chefs de cabinet qu'ils eussent à observer le plus grand secret et la plus grande discrétion sur les pièces qu'ils allaient sous peu recevoir. Les chefs de cabinet, déjà intrigués par ce qui s'était passé dans le ministère, dont ils avaient eu vent et qu'ils ne connaissaient pas précisément, montrèrent un zèle inaccoutumé, se renfermant dans un mutisme absolu, prirent des airs mystérieux, semblèrent des conspirateurs et firent si bien que tout le ministère, que tout le monde enfin, sut que quelque chose d'important allait arriver aux mains de M. Desboisbilly. Le jeune Reynaud, secrétaire de M. Simonet, qui fut lui aussi prévenu, assura son chef de son dévouement absolu et de sa discrétion de tombe. Cependant, un hasard que sans doute Paulin Broquet avait aménagé, voulut, à quelques jours de là, qu'après une course à Auteuil, le détective rencontra le jeune attaché de cabinet, qui parlementait derrière les tribunes, dans un endroit à peu près désert, avec un sportsman élégamment vêtu, dont la vue intrigua fort le policier. Paulin Broquet eut soin de ne pas se montrer, et il vit qu'après quelques paroles échangées à voix rapide et basse, le jeune Reynaud, qui avait tourné de tous côtés des yeux inquiets, serrait fortement la main de son interlocuteur et se retirait de façon à se perdre dans la foule. L'homme que le jeune Reynaud venait de quitter et dont la silhouette intriguait si fort Paulin Broquet sortit du champ de course, monta dans une auto et fila vers Paris. Mais comme il fermait la portière de son auto, Paulin Broquet, toujours à l'affût, eut le temps de reconnaître sa figure et il s'écria « James Benamol !»